Bonsoir. Un changement d'état d'esprit à l'intérieur des cités pousse les habitants à la révolte. Rendant nulles les actions des forces de l'ordre, cette nouvelle organisation révolutionnaire revendique le changement total des fondements de la société. Sur place, à Toulouse et à Marseille, nos envoyés spéciaux, DATPPDA, Diesel et Don Choa, nous exposent la situation en direct. Un sujet réalisé par PON.